Bonjour, je suis Théa. Théa, demande-toi Théa, mais vais t'en t'aimer. Une charmante Béa semble s'imposer. Señorita, je vais me hâter de ce pas, t'écrire un poème relatant ton état. Grand et peu difficile à ce que l'on dit, Miss Théa doté d'un coquet appétit. Appelle les repas et surtout les friandises, car Théa t'es, tu n'en fais jamais qu'à sa guise. Petite Théa, âgée de presque 3 ans, croise ses jambes comme le font les plus grands. Elle est gracieuse et capricieuse, c'est étrange. Il faut croire qu'il n'est pas facile à l'étranger. Quand Théa en a assez, exprime un message. Son attitude alors n'est presque jamais sage. Oh oh, mais passant du rire aux larmes, en vraie magicienne, l'on dit comme à chaque fois, Théa fait le sien. Madame Théa aime la contradiction, contrariante, elle dit oui quand on veut un non. Chaque limite est touchante à tout. Tout ça peaufine, se peaufine, ses atouts. À l'âge des questions des pourquoi insatiables, l'entêté Théa n'en reste pas moins insatiable. Elle a la grâce d'une étoile au firmament, c'est ce qu'affirme en tout cas sa jolie maman. Plus facile à aborder qu'à aborder le soir, Théa n'apprécie pas trop dormir dans le noir. T'es Lucifer, en fait, elle peut s'y faire. Je crois pour ma part qu'elle tient ça de sa mère. Quand Théa en a su, s'exprime un message. Son attitude alors n'est presque jamais sage. Oh oh, mais pas sans du Nicolas. Les vieux qu'elle rejoindra trop tôt, Théa emploie de temps en temps de vilains mots. N'ayant pas froid aux yeux, elle brave la loi, au point parfois de mettre en narine un doigt. Lorsque ça sent le roussi, sachant qu'elle abuse, mademoiselle Amadou sourit et amuse. Des Russes et en a de sa complexion, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. En sanitaire, en solitaire avec aisance, peuple Théa s'affranchit des dépendances. Du premier mot au premier pas, tous sont émus. Chaque étape de victoire que chacun salue. Quand Théa en a su, c'est une message. Attitude alors n'est presque jamais sage. Oh, même pas sans du niveau là. Théa oppose une merveille. En effet, l'amour puissant d'une merveille. Un jour peut-être aimé de quelques frères et sœurs, petite poupée deviendra femme au grand cœur. Quand Théa en a assez, s'exprime un message. Son attitude alors n'est presque jamais sage. Oh oh, mais pas sans du miroir. C'était moi dans la chanson que j'étais bébé.